si belle et si fragile, douce et dure à la fois. Elle n'a rien d'un long fleuve tranquille, mais elle nous file entre les doigts. Parfois j'ai eu peur de la quitter, souvent je la mords à pleines dents. Elle me fait souffrir et rêver, aimer évidemment. Entre elle et moi, il n'y a qu'un fil, il n'y a qu'un souffle tellement fragile que bien souvent je l'oublie, nous croyant invincibles. Je me prends pour un colosse et j'en oublie mes pieds d'argile. Pourtant je l'aime cette vie qui coule trop vite pour moi. Je la veux et je la vis malgré tous ses hauts et ses bas. Elle court, elle va trop vite, alors je la retiens par le bras. Elle est trop forte, elle s'agite et je lui emboîte le pas. Déclare ma flamme, je ne peux pas vivre sans toi. Si je devais vendre mon âme, je te la donnerais 100 fois. Tu es une si grande dame, faite de douleur et de joie, maquillée de rire et de larmes, qu'on est bien entre tes bras. Je te dois tout, le pire comme le meilleur. Tu m'as mise à genoux, tu m'as brisé le cœur. Tu as failli me rendre fou, mais m'as donné de bonheur. Pourtant je l'aime cette vie qui bouillonne au fond de moi, comme un volcan qui rugit, qui parfois me brûle les doigts. Pourtant je l'aime cette vie qui coule trop vite pour moi. Je la veux et je la vis malgré tous ses hauts et ses bas. Que je connais sa vraie valeur, et quiconque voudra me l'enlever devra attendre ma dernière heure.